On va poursuivre avec un temps d'expérience, de témoignage interculturel avec Ahmad Amirian, si je prononce correctement, qui est volontaire en service civique au sein du pôle ressources loisirs handicap 42, qui organise cette journée et qui, après un travail de recherche en lien avec son pays d'origine, eh bien, va nous présenter un bref exposé sur la situation du handicap en Afghanistan. Il est accompagné de son papa, ici, Ghossoudin Amirian, qui a travaillé de nombreuses années pour les Nations Unies en Afghanistan. Et petit temps de présentation, bref exposé, avec Marielle également, et Emma, pour introduire et présenter ce petit temps. Je vous laisse les micros, Marielle. Donc Ahmad est accueilli actuellement au pôle ressources en service civique, en duo avec Victoria aussi, que vous retrouverez sur un atelier et sur la salle sensorielle. On accueille Ahmad dans le cadre d'un programme qui s'appelle Volontaire. Donc c'est un programme proposé par l'agence du service civique qui permet effectivement de favoriser l'accès au service civique pour des jeunes sous protection internationale ou réfugiés. Voilà, donc du coup c'est dans ce cadre-là qu'Ahmad est accueilli avec nous. On lui a proposé au cours de sa mission, en lien avec son père, qui a aussi pu faire un stage avec nous, de réaliser un petit travail de recherche sur la question du handicap en Afghanistan. Voilà, on trouvait intéressant de faire un petit pas de côté et d'aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. On va faire ça à plusieurs voix. Monsieur Amirian parle très bien en anglais. Ahmad a vraiment renforcé son français, même s'il sera très timide et je pense que ça va être plus difficile pour lui de parler. Mais voilà, on va faire ça à plusieurs voix. Emma aussi pourra traduire. Et par manque de temps, sachez que les deux avaient prévu beaucoup de présentations du contexte afghan. On ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas tout faire, mais on vous transmettra de toute façon toutes les slides du diapositive pour que vous ayez le contexte. Et on va plus se focaliser sur le handicap en Afghanistan et tous les défis qui y sont associés. Voilà. Je vais laisser Monsieur Amirian commencer cette interlude interculturelle. Good afternoon to all. First of all, I'm really thankful for UFCV committee management invited me here to present a few important things about Afghanistan. Bonjour à tous. Je voudrais remercier le comité UFCV de m'avoir invité pour cette journée des moments clés pour parler du handicap et de l'Afghanistan. Here I have highlighted a few bullet points about Afghanistan, about the current illegitimate government which established after peace agreement signed between the United States and Taliban. Désolé, problème de micro. Du coup, je vais vous introduire un petit peu la situation de l'Afghanistan en partant des accords de paix qui ont été signés entre les États-Unis et l'Afghanistan depuis quelques années maintenant. Maybe those points might be very sad things for you. You may not heard about, but I'm really sorry for those things that may hurt all of you. But I have to inform, I have to brief you all about those sad things in Afghanistan. Alors, on va parler de choses qui sont un peu tristes, qui sont un peu tragiques, et je m'en excuse, mais c'était une condition avant d'introduire cette thématique du handicap en Afghanistan. Okay, I'm speaking from a country which is very specific and exceptional compared with the other countries under the legitimate government of Taliban. Je vais parler de la situation de mon pays qui est vraiment exceptionnelle puisqu'on est sous le gouvernement actuellement des talibans. The country is occupied by Taliban. You may heard about Taliban. Who is Taliban? Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de qui sont les talibans. Taliban is a terrorist and extremist group ruling the country. C'est un groupe terroriste qui gouverne mon pays maintenant. a government like a dictatorial authority more extremist than North Korea. C'est un gouvernement qui est une dictature et qui est actuellement plus autoritaire que la Corée du Nord. The government led by a person called Mullah Hibatullah, but no one has seen him. Donc le gouvernement est normalement dirigé par Hibatullah, mais personne en fait ne l'a vraiment vu. Even the people don't believe if he exists or there are only a name of Hibatullah. En fait, on doute même de son existence actuellement. There is no constitution. They locked it in the steel shelf. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de constitution en Afghanistan. There is a strict restriction on women when going out from home. Il y a des restrictions incroyables qui sont faites sur les femmes, notamment qui conditionnent leur sortie de la maison. Women are not allowed to go to public parks and restaurants. Aujourd'hui, les femmes, elles ne sont plus autorisées à aller dans les restaurants et dans les parcs et dans l'espace public. Women are not allowed to travel alone more than 70 km. Elles ne peuvent pas voyager seules sur plus de 70 km. Women punishment in a public like stoning. Donc, il y a des répressions qui sont mises en place, comme la lapidation envers les femmes. The healthcare facilities are not allowed to provide health services to any woman who has not have proper hijab. Donc, toutes les femmes, en fait, elles ont des grosses difficultés à accéder à notamment tout ce qui est services de santé et de soins. There is no woman in the cabinet of Taliban. Et bien sûr, dans le gouvernement des talibans, on ne trouve pas de femmes. The first country in the world, girls are not allowed to go to school above 12 years age or primary school. Donc au-dessus de 12 ans, c'est le seul pays du monde où les filles ne sont plus autorisées à aller à l'école. Media are not allowed to broadcast any news if against the Taliban. Il y a une répression et une censure terrible qui s'exerce sur les médias qui ne peuvent pas parler contre les talibans. Even they are not allowed to take photographs from the government authority. Ils n'ont même pas le droit de prendre des photos des autorités gouvernementales. The first government, the first country in the world has the highest number of refugees. C'est le premier pays dans le monde à avoir le plus haut taux de réfugiés. The first country in the world, 80% of adults have some kind of disabilities. Et en Afghanistan, c'est aussi le plus gros pays du monde à avoir un taux de handicap extrêmement élevé, à une hauteur de 80%. The first country in the world that the opposition are not allowed to exist in the country. Et bien évidemment, il n'y a aucune opposition politique qui peut exister face aux talibans. The only country in the world not officially recognized by any country. Et donc c'est le seul pays du monde qui n'est pas officiellement reconnu des autres pays. Even by those countries who created the Taliban. Même par les pays qui ont aidé à l'installation des talibans. The only country has the highest drug trafficking. C'est le pays avec le plus haut taux de trafic de drogue dans le monde. The only country in the world providing safe haven to more than 25 regional and international terrorist groups. Et donc, au sein de l'Afghanistan, on a vu la propagation des groupes terroristes et maintenant on en compte 25 dans le pays. Recently, the leader of this group is wanted by the International Criminal Court. Et donc, le leader des talibans est poursuivi par la Cour criminelle internationale. The only country with the highest poverty and unemployment. C'est un des pays où il y a le plus haut taux de pauvreté et de chômage dans le monde. The only country with highest violation of human rights. Et c'est là qu'on trouve le plus grand taux de violation de droits humains dans le monde aussi. The first country in the world people fearing from the Taliban killing themselves on the plane to escape from the Taliban. On a vu des situations dramatiques comme des Afghans qui essayaient de s'accrocher aux avions américains qui décollaient pour fuir le régime des talibans. Et ça s'est terminé tragiquement, évidemment. Besides these points which I have highlighted, but there is also another exceptional things that you can imagine how could be possible. There are some diplomatic relationship of some of European countries with the Taliban, and also this is very exceptional. And can you imagine this while the Taliban are violating human rights and they're not respecting the women and they're not allowing them and they're there is no equal rights for the women, but on the other side some of the European countries have a diplomatic relationship with the Taliban. Malgré tout ce qu'on vient de dire en termes de violation des droits des femmes, violation des droits de l'homme, en termes de censure, en termes de tout ce que les talibans ont fait, on s'interroge sur la pertinence des relations diplomatiques que certains pays européens entretiennent encore aujourd'hui avec les talibans. But this is actually Afghanistan has 41 million population. Out of 41 million population, more than about the 70% population are against the Taliban, but they are not allowed to raise their voice in the country. La majorité des 41 millions d'Afghans sont contre les talibans, mais ils n'ont même pas le droit de lever la voix contre les talibans pour s'exprimer. I'm very sorry to give you these sad things about the situation of our country, but now the people are only wanted to survive, and how can we save their lives inside the country or outside of the country? And this is very very sad for all our people. And the people who are living inside the country, no one are safe. Even disabilities or normal people, and no one is safe under the authority of Taliban government. Je suis désolée de vous présenter ces faits qui sont vraiment tragiques et qui peuvent plomber un peu, mais c'est la situation de mon pays aujourd'hui. Et il faut savoir qu'actuellement, même pour les Afghans qui vivent en dehors du pays, personne n'est en sécurité. Et là, on va faire le lien du coup avec la question du handicap. On a beaucoup entendu parler de l'environnement. C'était pour vous présenter un peu l'environnement en Afghanistan. Et nous allons faire le lien avec la question du handicap maintenant. In Afghanistan, more than 80% of the adults are disabled, either mentally disabled or physically disabled. Donc comme je vous le disais, il y a à peu près 80% de la population qui présente des handicaps, que ce soit physique ou mental. Here we have divided the disabled people in two categories. Donc nous avons divisé les personnes handicapées en deux catégories de population. Those who are born disabled. Il y a ceux qui sont nés handicapés. Those who are disabled by war. Et il y a ceux qui sont handicapés à cause de la guerre. And you may heard about the war in Afghanistan since 150 years back up to today. In Afghanistan, we have passed five war. Donc, sur les dernières décennies en Afghanistan, on a assisté à plus de cinq guerres différentes. Three war by Great Britain invaded Afghanistan. D'abord, le Royaume-Uni a envahi l'Afghanistan. One time for 4 years. Pendant 4 ans d'abord. And the second time for 3 years. Et puis 3 ans ensuite. And the third time for a few months. Et ensuite pour quelques mois. Then Afghanistan got independent from Great Britain. Et donc nous avons obtenu l'indépendance de la Grande-Bretagne. Then we have a huge war invaded by Soviet Union. For over 10 years. Et puis pendant plus de 10 ans, nous avons été envahis par l'Union soviétique ensuite. And then we have coalition forces in Afghanistan for more than 20 years. Et pendant plus de 20 ans, nous avons eu un gouvernement de coalition qui s'est formé. And the aim of the coalition forces under the NATO forces in Afghanistan was to remove the terrorist groups from Afghanistan. But unfortunately, after 20 years' wars, there were only one terrorist group active in Afghanistan. But when the coalition forces left Afghanistan, now there are more than 25 terrorist groups active in Afghanistan. Le but du gouvernement de coalition, c'était d'empêcher la formation de groupes terroristes. Et à la fin de ce gouvernement de coalition, il y avait un groupe terroriste principal qui restait. Et quand les gouvernements de coalition s'est retiré et les forces de coalition se sont retirées, on a assisté à la création de 25 groupes terroristes qui sévissent actuellement. The majority of the people with disabilities have been injured in the past four decades of war. De ces décennies de guerre, la plupart des Afghans sont ressortis blessés et en situation de handicap pour la plupart d'entre eux. There's also casualties and injuries resulting from landmines. Y a beaucoup de blessures et de handicaps qui sont le résultat aussi des mines qui persistent sur le sol afghan. Explosive devices, suicide bombing. Des attentats suicides, des attentats à la bombe. Landmine monitor estimate that 95% of the explosive weapons casualties in Afghanistan. On reporte que 95% des armes explosives ont causé des dommages à la population afghane, et notamment aux civils. And casualties are mostly civilians. Donc, ce que je vous disais, notamment aux civils. And more than half are children. Et aux enfants également, beaucoup. Some of the diseases leading causes of disability. Des fois, ça a causé simplement des maladies, mais qui n'ont pas pu être soignées faute de moyens et qui ont débouché ensuite sur des handicaps. Other causes of disability in Afghanistan may include limited access to the health services. Donc, on a un accès limité aux services de santé qui vont accentuer en fait les situations de handicap. Also, poor health infrastructure. Drug abuse. Donc le manque d'accès à des services de soins et de santé, la malnutrition et l'usage massif de drogue aussi vont être des facteurs qui accentuent le handicap en Afghanistan. People with disabilities report facing exclusive from community activities. Donc de ces personnes en situation de handicap, elles font face à beaucoup d'exclusion des activités communautaires. A feeling of disrespect. Un sentiment de ne pas être respecté. And difficulty making friends. Et une grande difficulté à se faire des amis. Women with disability are often considered sterile and ineligible for marriage. Là, on parle de la situation des femmes, en particulier des femmes qui sont handicapées, qui vont être considérées et perçues par la société comme stériles et inaptes au mariage. In the community, in the society of Afghanistan, the mothers are only can provide the major can take the major responsibility of their children's disabilities. Et en Afghanistan, en fait, la plupart, comme en France, j'imagine, la plupart des femmes vont s'occuper des enfants en situation de handicap. Okay, thank you very much for your attention. I hope those information might be very useful for all of you. And how can you provide support to our disabled people in Afghanistan? Thank you very much. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ces informations vous ont aidé. Il y en avait encore beaucoup d'autres, mais on vous transmettra de toute façon toutes les diapositives sur le handicap en Afghanistan. Et voilà, on vous encourage aussi à penser local, mais aussi international, en apportant de l'aide aussi et en pensant aux personnes en situation de handicap là-bas. Merci beaucoup. Merci.